Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de la Disney's Music Box saison 3. Salut Max, comment vas-tu ? Salut Alex, ça va très bien, je viens de finir mon repas et puis je suis prêt à repartir pour 10 mois de podcast et de live. 10 mois, et oui, vous allez voir le nombre indécent de live que l'on va faire et donc de podcast aussi car vous nous écoutez actuellement en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, ça fait plaisir. C'est donc notre retour après un été qui a été très encourageant pour le podcast. Vous avez été extrêmement, je dis bien extrêmement réceptifs à nos contenus, on vous en remercie. On a cumulé cet été plus de 3000 écoutes, donc merci énormément. Pour vous c'est des chiffres, pour nous c'est énorme. C'est des chiffres aussi mais ils sont énormes. Et pour le mois de septembre c'est très prometteur, et non pas promoteur comme Max m'a dit dans le... Dans le conducteur. J'ai écrit promoteur. Oh. Bah oui. Et donc, on tenait à vous remercier et aussi, bien sûr, à nos soutiens sur Patreon. Mère, merci. Mère, merci. Mère, merci. Merci beaucoup à Marie. Merci, Valarette. Merci. Merci, Valarette. Merci, Greg. Merci, Victor. Merci, Canoa. Merci. Merci, Pierre. Merci. Merci, Damien. Merci, Jérôme. Merci, Mireille. Merci, Samuel. Magnifique. Oh, c'est beau. La fin était bien calée. Je suis impressionné. On a fait ça toute notre vie. Et direction le pays du soleil couchant pour aller parler de Mulan. Mulan, 54e long-métrage d'animation, 36e classique d'animation et, le terme qui peut faire se lever les foules, 9e film produit et réalisé pendant la période de la Renaissance Disney. Sorti en 1998, c'est Mulan. Donc toi Alex, tu considères que la Renaissance Disney commence en 89 et puis elle finit en 2000? À peu près, c'est ça, ouais. Bon, on est d'accord. Au final, on pourra pas s'engueuler. Et non. Ceux qui pensent que déjà le second âge d'or Disney était après la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu limite, que pensent que le troisième âge d'or Disney c'était durant les années 90, c'est encore plus limite. Et ceux qui pensent que second âge d'or Disney, enfin la Renaissance là, les années 90, elle commence en 86, voire en 88 avec Basile des détectives privés, je vous hais. Ah oui, quand même. Bon bah c'est comme ça que l'on perd les personnes qui sont en train de nous écouter. On a le public qu'on mérite. Exactement. Donc, alors, Mulan, c'est un film basé sur la légende chinoise de Hua Mulan. Alors, niveau de l'accent, vous allez voir que je ne l'ai pas tellement. Hein, dont la première mention fut dans la ballade de Mulan, datant à peu près du 5e siècle. J'ai retrouvé la ballade de Mulan, traduite en français en 1832. Je viens te chanter la ballade, la ballade de Mulan. Magnifique. Donc je vais juste vous dire l'introduction. Tsitsi, puis encore Tsitsi, Mulan tisse devant sa porte. On n'entend pas le bruit de la navette, on entend seulement les soupirs de la jeune fille. Jeune fille, à quoi songes-tu? Jeune fille, à quoi réfléchis-tu? La jeune fille ne songe à rien, la jeune fille ne réfléchit à rien. Ça donne envie, hein. Et bien sûr... Ça parle de l'histoire de Mulan qui prend le... Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Bah, je suis une story Instagram, j'ai oublié de la faire. Je t'écoute, hein, tu m'as parlé de navette. Pour moi, je comprends pas pourquoi il y a un bus au 5e siècle. Dans un texte, en 1932. Et en fait, ça parle de l'enrôlement de son père dans l'armée. Bien sûr, elle va aller à sa place. J'ai parcouru 10 000 milles en combattant. J'ai franchi avec la vitesse de l'oiseau les montagnes et les défilés. Le vent du nord apportait à mon oreille les sons de la clochette nocturne. La lune répandait sur mes vêtements de fer sa froide et morne clarté. Le général est mort après 100 combats, etc., etc. Et ça finit à la fin. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a parcouru le chemin? Elle a... Pas mal. J'ai plus la suite des paroles. J'ai plus la suite des paroles. Est-ce qu'elle a parcouru le chemin? Est-ce qu'elle a tenu la distance? Tenu la distance. Et est-ce qu'elle levait de tout son corps? Mais elle l'adore. Exactement. Et à la fin, Mulan sort de sa chambre et va voir ses compagnons d'armes. Ses compagnons d'armes sont frappés de stupeur. Pendant 12 ans, elle a marché dans leur rang et ils ne se sont pas aperçus que Mulan fut une fille. On reconnaît le lièvre parce qu'il trébuche en courant. On reconnaît sa compagne à ses yeux effarés. Mais quand ils trottent côte à côte... « qui pourrait distinguer leur sexe ? J'aime beaucoup cette fin. Je trouve ça cool. Non mais voilà, en fait, t'as fait le résumé du film. T'es pas obligé de l'histoire, tu la racontes. C'est clairement le résumé du film, en vrai. C'est un petit peu ce qui se passe, ouais. Il y a deux trucs qui me choquent. C'est que la saison 1, tu nous disais Powhatan. Là, tu dis Mulan. Oui, parce que c'est marqué vraiment Mulan. Ah. Et par rapport au film, tu dis Mulan ou Mulan ? Je dis Mulan. Ok, ouais, c'est bon. Non, j'étais prêt à lancer un sondage. Vous dites Mulan ou Mulan ? Elle est aussi décrite dans le Wu Shuang Pu, la table des héros inégalés, qui est un recueil de gravures de Jin Shi, qui est paru en 1694, donc beaucoup plus tard que le 5e siècle. Et sachez que le nom Hua Mulan, signifie fleur de magnolia, une fleur qui pousse dans le sud-ouest de la Chine. Hua, ça veut dire fleur, Mulan, ça veut dire magnolia. Comme ça, vous le savez. Les magnolias par centaines. Les magnolias comme autrefois. J'ai appris à faire des lives avec rien que d'y penser. Parce qu'en fait, on m'a expliqué qu'il fallait que tu fasses des blagues au moindre moment. Il faut couper tout ce qu'on raconte de si sérieux pour faire une blague à chier. J'ai dans le podcast. Tu mets dans le podcast ou pas ? C'est comme tu veux. Parce que moi, dans le podcast Fais son talent, on en parlait juste avant. Il y a des trucs que j'ai coupés parce que c'était vraiment limite. Ok, ça marche. Alors. Le film a été conçu par Walt Disney Feature Animation Florida, c'est hyper long à dire. Ce studio a été créé en 1989, exclusivement... Oh, tais-toi, je vais la refaire. Ce studio a été... Avant les studios Disney, incroyable. Ouais. Avant les studios Disney, les mecs... Il n'était pas connu parce qu'il était beaucoup trop long. Donc ce studio a été créé en 1989 exclusivement pour la réalisation de cartoons et de courts-métrages. Et donc après La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion, la maison mère a décidé en 1993 de donner sa chance au petit studio qui commençait doucement à s'intéresser aux légendes asiatiques. Alors il y avait un court-métrage nommé China Doll qui était en développement à ce moment-là, et qui parlait d'une chinoise opprimée sauvée par un prince britannique. Et en même temps, ils avaient entendu parler de la légende de Mulan avec le livre pour enfants écrit par Robert D. Sanssouci. Pocahontas, je connais. C'est un peu... Vraiment, China Doll, c'est clairement Pocahontas. Hein. On est totalement d'accord. Et donc, Robert Sanssouci, qui avait écrit le livre pour enfants Fa Mulan. Oui, il s'appelle vraiment Sanssouci. Hein. Pas de problème. C'est exactement ça. Et donc Disney a décidé de combiner les deux histoires. Je vois pas vraiment ce qui reste de China Doll pour être tout à fait franc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que China Doll n'existe plus. Hakuna Matata, Dinagla, et je suis bien d'accord. Le réalisateur Barry Cook. Alors Barry Cook, il avait fait auparavant beaucoup d'effets spéciaux où il gérait vraiment les effets sur Tron, sur Captain EO, sur La Petite Sirène. Et c'était le superviseur des effets spéciaux sur La Belle et la Bête et sur Aladdin. Et donc... Barry Cook, il avait le choix entre deux trucs. Il avait le choix entre Mulan et une autre histoire de dragon qui se déroule en Écosse. Il a décidé de mixer les deux et d'ajouter un dragon à Mulan. Il y a un dragon dans Mulan grâce en fait à l'histoire écossaise de dragon. D'accord. Voilà. Bientôt sur Patreon, les épisodes avec Max, mais uniquement sur les parties qu'il a coupées. On mettra ça cher parce que si ça sort, le label est fermé le lendemain. Et donc ça, je vous dis juste cette phrase-là, en podcast je vais la garder et vous ne saurez pas ce que je viens de couper, et ça c'est magnifique. Un co-réalisateur fut ajouté en 1995, il s'appelle Tony Bancroft, animateur sur La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et Bossu de Notre-Dame. Toute l'équipe est allée en Chine pour un repérage. Ouais, comme d'hab quoi. Enfin, comme d'hab. Donc oui, comme d'habitude, ils sont allés faire des repérages, mais c'est logique chez Disney, ils ont fait ça avec Le Roi Lion, ils sont partis en Afrique, avec La Belle et la Bête, ils sont partis en France... Dans Varena, ils sont partis à Tahiti. L'équipe est donc allée en Chine pour un repérage et de base, l'histoire devait être une comédie romantique, attention, écoutez bien, où Mulan, qui était donc un garçon manqué, devait être promise à Shang, qu'elle n'avait jamais vu. J'aime bien quand je vois comédie romantique avec ce type de résumé, tu pourrais dire à la fin, ils ont réussi à convaincre Mulan que c'était pas un garçon manqué, que c'était une vraie femme au fond d'elle, et puis qu'au final, elle devait épouser Shang, qu'elle n'avait jamais vu et qu'elle devait aimer comme ça, au hasard. Ce qui est plutôt totalement déplacé. Bah, totalement. Heureusement, Chris Sanders, encore une nouvelle personne, qui avait participé à l'histoire de La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion, et qui a donc participé à l'histoire de Mulan, n'a pas aimé et a supplié la productrice Pam Coates de revenir à l'histoire originelle de Mulan, comme celle que je vous ai dit au tout début. Pour la séquence d'attaque des 1, l'équipe de production créa un logiciel de simulation de foule et ils l'ont nommé Attila. Ça donne pas tellement envie, mais c'est comme ça. Les musiques du film sont de Jerry Goldsmith, alors qu'il est une légende de la musique de film, hein, il a même une étoile au Hollywood Walk of Fame. Parmi les musiques connues qu'il a fait, il y a Rambo, La Planète des Singes, Alien, Poltergeist, Les Gremlins, La Momie, et pour Disney, il a créé Soarin. Sachez que, donc là quand je parle de musique, ce sont les musiques instrumentales, hein, les musiques qu'il y a derrière pendant que les gens y parlent ou qu'il y a des actions. Sachez que d'autres personnes étaient considérées, il y avait Danny Elfman qui était considéré, Thomas Newman. Mais qui pouvait pas du tout, les deux ne pouvaient pas du tout. Thomas Newman, qui est de la famille, on le dit à chaque fois, hein, de la famille de David Newman, de Randy Newman. Thomas Newman qui a dû faire, je vais encore me planter comme à chaque fois aussi, qui a dû faire Nemo. Et Randy Newman qui a fait Toy Story, qui a fait Mille et une pattes, qui a fait Monstres et compagnie. Et la princesse et la grenouille. Et on avait aussi Rachel Portman qui a dû décliner l'offre parce qu'elle était enceinte. Félicitations. Bravo. Alors... son gamin maintenant il a 24 ans, il est très heureux de vivre. Et quand même une petite question, est-ce que Thomas Newman dans sa famille, dès qu'il y a un nouveau garçon, est-ce que c'est un nouvel homme? Bah oui, et il est obligatoirement compositeur, mais ça on en a déjà parlé dans un autre live je crois. Les lives se suivent et se ressemblent. Sachez que Goldsmith avait travaillé sur la pré-production du dessin animé, mais il n'a pas travaillé plus car il était en même temps sur un autre projet et l'autre projet est tombé à l'eau et Disney, ah super, on peut récupérer le compositeur, c'est parfait. Dans les entretiens avec un empire de Jérémy Noyer, il a interviewé le réal du film, qu'il a interviewé à la page 215, excusez-moi, il a interviewé Tony Bancroft, qui le dit cash. Il fait je pense que pour ces raisons Nathalie Portman Rachel Portman a eu raison de se retirer alors que son mari lui ne s'est pas retiré. Rachel Portman a eu raison de s'en tirer. Et nous avons eu la chance que Jerry Goldsmith soit disponible précisément à ce moment. Nous l'avions également contacté durant la pré-production, mais comme il était sur un autre projet, nous n'avons pas pu l'avoir. Par chance, le film sur lequel il travaillait est tombé à l'eau au bon moment. Nous avons sauté sur l'occasion. Donc le mec, il est sans pitié. Goldsmith a travaillé sur un film qui avait l'air trop cool, enfin, mieux que Mulan. Et il se réjouit, et le réalisateur se réjouit comme quoi le film est tombé à l'eau. C'est sympa, je trouve. C'est pas très, très cool. Oh putain, les gens ont quand même dit que mes blagues c'était du niveau de Curien. Je devrais mal le prendre. Ouais. Allez, on continue. Les chansons... Et Goldsmith est mort en 2004. Bah comme la reine d'Angleterre. Mais elle, c'est pas en 2004. C'est aujourd'hui. Quand on enregistre le live. Les chansons, donc les musiques qui sont chantées, sont de Matthew Wilder. Sachez qu'avant Matthew Wilder, il y avait Stephen Schwartz qui avait composé 3 morceaux. Mais il est parti en plein développement pour faire les chansons du Prince d'Égypte. Gros problème avec les studios Disney qui voulaient tout simplement retirer son nom des publicités de Pocahontas et du Bossu de Notre-Dame. Au final, c'est 3 chansons composées qui ont été tout simplement supprimées. Et Stephen Schwartz, bah, ils ont réussi à discuter pour pas que son nom soit retiré des publicités. Mais vraiment, Stephen Schwartz, c'est chaud. C'est quand même pas n'importe qui. Enfin, clairement, c'est le gars qui n'a... Ouais, Mencken est très, très indépendant, il fait ce qu'il veut, tellement il est connu, mais il est quand même très affilié à Disney. Stephen Schwartz, c'est le gars qui est affilié à... qui peut être affilié à tout, quoi. Il est parti sur Prince d'Égypte, une musique de Hans Zimmer, qui a eu du succès aussi, je sais pas, surtout, c'était les gros concurrents de DreamWorks, donc c'était logique que Disney veuille se dissocier de Stephen Schwartz, sachant que c'était vraiment les concurrents en ce moment. C'est Katzenberg qui s'occupait de DreamWorks et qui était parti de chez Disney à l'époque. Après, Stephen Schwartz, ils n'ont pas trop été rancuniers, parce que je crois que c'est lui qui a fait les paroles de « Il était une fois ». Oui, c'est ça. Exactement. Wilder, sachez que Wilder était choriste pour Ricky Lee Jones et Bette Midler. Bette Midler qui est une... star de la comédie musicale d'ailleurs. Ouais. Wilder, il a une carrière solo plutôt pop-rock, mais pas beaucoup de succès. Donc, vu qu'il n'avait pas de succès, il a écrit pour les autres. Entre autres, Christina Aguilera et Kelly Clarkson. Et pour Disney, il a seulement fait Mulan, dans lequel il fait aussi d'ailleurs la voix de Ling, et une chanson pour Hannah Montana, Girls Night Out, G-N-O. Quant aux paroles, les paroles sont de David Zippel. Il est arrivé sur le projet en juillet 97, donc assez tard. Et avant ça, il avait travaillé sur des comédies musicales, surtout sur City of Angels de C. Coleman, qui date de 89. Et plus tard, donc là actuellement, hein, vraiment actuellement, récemment, il y a 2 ans je crois, il y a Cinderella d'Andrew Lloyd Webber qui est sorti. C'est aussi lui qui a fait les paroles de Spamilton, la parodie d'Hamilton, qui est très sympa. Et pour Disney, il a travaillé sur les paroles d'Hercule. Et après Mulan, il a écrit les paroles de The Star Spangled Man dans le film Captain America The First Avenger, avec une musique d'Alan Menken. On vous invite à jouer au quiz d'Alan Menken qui est sorti en podcast cet été. Ouais, donc je pense que Zippel a été choisi. Qu'il a été choisi sur Mulan parce qu'il a fait quand même du bon travail sur Hercule l'année d'avant. Au niveau des prix qu'ils ont reçus, il y a eu le Golden Globe 1999 de la meilleure bande originale pour Jerry Goldsmith et de la meilleure chanson originale pour Matthew Wilder et David Zippel, Réflexion. Il y a eu le Grammy Awards 1999 de la meilleure chanson originale pour True to Your Heart. C'est quoi en français déjà? C'est la chanson post-générique. Ah ok, pour ça que ça me disait rien. Et l'Oscar 1999 de la meilleure musique de film pour Matthew Wilder, David Zippel et Jerry Goldsmith. Après aussi au niveau du prix, il est à 10€ chez Cultura. C'est nul, putain. Tu disais qu'il avait eu plusieurs prix. Il est à 10€ chez Cultura. Pas mal, je l'accepte. Elle est validée, elle sera dans le podcast. Non, c'est qu'on peut faire les blagues 2 fois, comme ça tu couperas la première fois où t'as pas compris et tu gagneras la 2e fois. Et la chanson... Attends, tu as eu quand même un message sur Twitter d'une personne qui n'avait pas compris la blague. Prends garde Lyon, ne te trompe pas de voix. J'ai trouvé ça triste, moi, ça m'a fait de la peine. True to Your Heart, c'était la chanson post-générique un peu pop, chantée par un groupe qui s'appelait les 19s, un truc comme ça, et Stevie Wonder en plus. Ok, ah, Stevie Wonder quand même. Oui. Au niveau des voix, il n'y a pas grand chose d'intéressant, si ce n'est que la voix chantée alors là, pour le coup, je parle de l'anglais de Mulan, c'est Léa Salonga qui s'est fait connaître dans Miss Saigon, qui est extraordinaire. Je vous conseille d'écouter Léa Salonga. Enfin, c'est elle qui a fait, bien sûr, la voix chantée de la princesse Jasmine dans Aladdin. Voilà, c'est aussi pour ça que vous la connaissez. Et c'est aussi Fantine dans... Les Misérables. Elle a fait Fantine. Elle a aussi fait... elle a fait Éponine dans Les Misérables en 93. Elle a fait Fantine beaucoup plus tard. C'est elle qui faisait Kim dans Miss Saigon. Elle est retournée elle a fait dans Fun Home, Once on the Island, Sweeney Todd, tout ça. Donc c'est une vraie artiste de comédie musicale de base. En français, vous avez José Garcia qui fait Mouchou. Voilà. Alors Valérie Carcenti, c'est celle qui fait Liliane dans Scène de ménage. C'est vrai. Et vous avez Patrick Fiori qui fait le chant de Shang. Et le saviez-vous, Patrick Fiori, l'année d'après, il a repris La Belle et la Bête, la chanson pop. Et vous savez où est-ce qu'ils ont tourné le clip? Bien sûr, moi je le sais, mais le savez-vous? C'était à Phantom Manor. Et vous le sauriez en suivant le site secretdisney.com. Oh, c'est plus une perche que tu m'as donnée. C'est incroyable. Carcenti, surtout en fait, moi, quand j'ai vu Carcenti que c'était elle qui faisait Scène de ménage, j'étais surpris parce que même si le film il a 24 ans, en fait, sa voix a totalement changé. Après, elle exagère un petit peu le truc aussi dans Scène de ménage, mais bon, elle est pas méconnaissable. Marie Gallet, je crois qu'elle a chanté des héroïnes Disney juste avant, je crois. Elle a fait La Petite Sirène dans le second doublage, elle a fait Ariel, en 98. Mais d'accord. Sinon, c'est tout. Okay. Sinon, plus tard, elle a fait effectivement la voix d'Ariel et la voix de Mulan dans Ralph 2.0 et aussi dans Disney Tous en boîte, Mulan 2, La Mission de l'Empereur et Le Secret de la Petite Sirène, voilà. C'est elle qui fait à chaque fois Ariel et Mulan. Ok. Tout ça, bien sûr, il y a Richard Darbois qui fait Chanyu. Voilà. Et Michel Prudhomme qui fait Shifu. Mi. Putain. Et nous allons pouvoir passer à l'histoire. Shan Yu et son armée de Huns envahissent la Chine. Le même jour, le père de Mulan reçoit l'ordre de servir dans l'armée. Mais il est vieux et risque de crever. Du coup, contre la volonté de sa famille, Mulan se déguise en homme et prend l'habit de conscription de son père, l'armure et les armes, afin qu'il n'ait pas à partir. Et du coup, c'est elle qui va partir et qui va rejoindre l'armée, sachant que si jamais elle se fait prendre, il n'y a plus de Mulan. Le film est fini. Pendant ce temps-là, il y a Mushu, un petit dragon chinois sonneur de gong, qui détruit accidentellement... Là, je fais... C'est un truc pas du tout audio. Je viens de faire les guillemets. Les guillemets. Moi, je le dis maintenant. Entre guillemets, accidentellement. Le grand dragon de pierre. Et du coup, il se dit, oh, bah, je vais prendre sa place. Et du coup, il y a aussi Kriki, qui ne sert à rien, mais qui est là pendant tout le film, qui se joint à lui dans cette tâche. Il y a Mulan, du coup, sous le pseudonyme Pong, qui s'entraîne avec un groupe dirigé par le capitaine Li Shang. Après quelques péripéties, Shang et ses troupes sont pris en embuscade par des archers 1. 2. Shang ordonne à ses troupes de tirer le dernier coup de canon sur Shan Yu dans l'espoir d'emmener le chef 1 avec eux dans la mort. Mais Mulan envoie le boulet frapper un monticule de neige en hauteur et déclenche une avalanche qui avale les 1, 2, 3, y compris Shan Yu. Les soldats chinois applaudissent, mais Mulan est blessé et s'évanouit. Shang est averti de la véritable identité de Mulan et il devrait l'exécuter. Au lieu de cela, il l'expulse de l'armée. Mulan décide de rentrer chez elle, mais remarque que Shan Yu et les 1, 2, 3, 4 a survécu à l'avalanche. Elle essaie d'avertir les troupes de Shang, mais ils n'écoutent pas à cause d'une super fête en leur honneur. Alors que l'empereur s'adresse à la foule, les 1, 2, 3, 4, 5, déguisés en personnages de parade, non pas de parade Disney, le kidnappent et se barricadent à l'intérieur du palais. Mulan... Pardon, j'arrive plus... Ouh, excusez-moi, j'ai besoin de respirer. Ça va, Max? Tu sais ce qui s'est passé en 1111? Non, l'invasion des Huns. L'invasion des Huns? Mais je cherchais, parce que tu disais pourquoi c'est 1, 2, 1, 2, 3. Je cherchais depuis tout à l'heure, je comprenais pas. Et c'est quand tu disais le mot 1 que j'ai compris que c'était 1, 2, 3, 4. Donc, je finis quand même l'histoire. Mulan conçoit un stratagème avec les autres soldats pour s'habiller en femme, escalader l'un des murs et s'infiltrer dans le palais. Mulan attire Shan Yu sur le toit du palais, où elle le désarme, et Mushu lance un feu d'artifice qui frappe Shan Yu, le tuant dans l'explosion. L'empereur rencontre Mulan et, d'un ton accusateur, énumère tous les crimes, mais lui pardonne néanmoins d'avoir sauvé la Chine et lui-même. L'empereur s'incline ensuite devant Mulan et il propose... un poste au sein de son état-major, mais elle préfère rentrer chez elle auprès de sa famille. À son retour, Shang arrive pour parler avec Mulan, après avoir été encouragé à lui dire ses sentiments pour elle par l'empereur. Et les ancêtres acceptent à contre-cœur de faire de Mushu un gardien une fois de plus, et une célébration s'ensuit, et on ne sait pas du tout ce que fout Kriki dans l'histoire. Voilà. C'est tout pour l'histoire. C'était intense, hein. On peut faire des petits commentaires vis-à-vis de l'histoire. Vas-y, je regardais hier le film, il y avait des trucs qui m'avaient un petit peu choqué. Je trouve que, bon, même si c'est un peu le running gag, mais puis les mœurs sont évoluées, le truc c'est Mulan est une femme qui va être au milieu d'un milieu d'hommes, des mecs un peu machos qui, entre guillemets, veulent en imposer, et elle est là, un peu toute frêle, chétive, et même si au final elle est pas si... féminine telle que l'école le veut en Chine, parce que ben, la marieuse ne veut pas d'elle, mais toutes les blagues sur les femmes, je trouve ça un petit peu même si c'est détourné au final en montrant que Mulan c'est quelqu'un qui en impose, je trouve ça un petit peu limite parfois. Oui, je suis d'accord. Il y a ça. Le deuxième truc qui m'a choqué, et ça se voit quand tu racontes l'histoire, en plus, ça se sent quand tu racontes l'histoire, c'est que t'as l'impression que les distances, elles sont énormes ou très petites. Ah ouais, mais c'est impressionnant. C'est incroyable. Ils sont quand même 5 à se débarrasser de tous les 1. Et la Chine, c'est un grand pays. Bon, certes, il y a 2000 ans, mais la Chine, c'est un grand pays. Et ils savent pas se débarrasser d'une armée telle que les 1. Et l'autre truc qui m'a saoulé, mais ça par contre, on pourrait peut-être en parler plus tard, c'est les bruitages. Les bruitages sont agaçants dans ce film. Mais ça, on verra ça plus tard. Non, mais voilà. Par contre, le côté féminin de Mulan qui est moqué durant tout le film, même si elle évolue, et puis même, tu vois, à la fin, t'as les trois mecs qui se déguisent en femmes pour pouvoir draguer les hommes. En vrai, il est lourd. C'est un peu lourd. Et très lourd. C'est, en fait, c'est ça qu'on se rend compte que les mœurs sont évoluées. Il y a 24 ans, ça passait encore, c'était rigolo. C'était rigolo seulement, c'était pas ultra hilarant, c'était rigolo. Alors que maintenant, en fait, ça passe plus. Mais ouais, je trouve qu'en fait, l'histoire de ce film a mal vieilli. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je trouve aussi. C'est un petit peu bancal. L'histoire, les blagues aussi. Enfin, les blagues, oui, les blagues. Les blagues ont mal vieilli. Autant il y a des vieux films Disney qui ont pas mal vieilli du tout, mais celui-là, en tout cas au niveau de l'histoire, hein, du scénario, je trouve que ça a mal vieilli. Ouais. Et maintenant, nous passons à la musique, Max. Et là, je sais que vous êtes frustré parce qu'il n'y a pas la fin de ce morceau. Sur le point de vue de la musique, comme tu disais, en compositeur, il y avait Jerry Goldsmith qui s'occupait des musiques instrumentales. Il y avait aussi Matthew Whitlock qui s'occupait donc de la composition des musiques des chansons, et David Zippel, qu'on avait trouvé auparavant sur Hercule, pour les paroles. Je vais pas râler. J'ai quand même beaucoup râlé l'année dernière vis-à-vis des, oui. Vis-à-vis des problèmes entre les compositeurs instrumentales et des chansons qui sont différents, parce qu'on retrouvait très peu de leitmotiv et puis de construction de thèmes, de liens entre les thèmes durant le film. Je ne sais pas à quel point Goldsmith et Whittler ont travaillé ensemble. Les compositeurs sont différents, mais c'est pas les deux mêmes personnes, mais il y a des liens entre les deux. Et ce qui fait que, bordel, on trouve des leitmotifs. Il y a enfin des leitmotifs. Tel qu'on en trouve dans les films de Menken au début des années 90, ou même dans les premiers films Disney dans les années 40-50. La seule question que je me pose, c'est à quel niveau ils ont bossé vraiment ensemble. Je pense que c'est pas non plus une réflexion à la Menken, mais c'est quand même plutôt poussé sur un film qui dure environ une heure et demie. Il faut savoir que Bancroft, le réalisateur du film, et Jerry Goldsmith, le compositeur de musique instrumentale, ont découpé le film en 15 à 20 séquences pour distinguer les différentes émotions qu'avaient les personnages ou les différentes émotions qui se retranscrivaient dans le film. Goldsmith a composé deux premiers thèmes, un pour Mulan, l'autre pour Shan Yu. Ah ouais. Ouais. Et au final, le thème de Mulan se ressent bien. Shan Yu, en fait, j'en parlerai juste après, mais en fait, Shan Yu, c'est un peu le thème D1, plus que le thème de Shan Yu en lui-même. Dans même temps, Shan Yu, dès qu'il est là, il y a les 1. Il y a les 1. C'est vrai que je pense que parler de Shan Yu en lui-même, c'est un petit peu réducteur par rapport à toute la troupe des 1 qu'il y avait. Oui. Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait quand même les 1. Jerry Goldsmith, un compositeur donc, qui est mort en 2004, qui a beaucoup travaillé dans les années 60, 70, 80, qui est chef d'orchestre aussi, orchestrateur. Donc le travail orchestral qu'il a fait est vraiment, vraiment imposant. Ce qui fait qu'on trouve un travail orchestral plutôt occidental, européen et américain. Et puis en même temps, on va trouver aussi des couleurs ethniques asiatiques, parce que c'est Mulan, il faut que ça se déroule en Asie. Donc il faut quand même qu'on trouve, que le spectateur européen retrouve des bases asiatiques. En tout, il y a 5 chansons dans le film, plus 2 reprises. La première chanson, c'est Honor à tous, Honor to Us All, qui est chantée par Mulan, par sa mère, Fali, par sa grand-mère, grand-mère Fa, et puis ainsi que le chœur avec ses tantes et puis tout ça. C'est la scène de la marieuse. C'est le moment où Mulan se prépare pour aller voir la marieuse. S'ensuit donc Mulan qui est refusée par la marieuse, qui déçoit tout le monde dans sa famille, tout ça, et donc elle réfléchit sur elle-même et elle chante la chanson Réflexion, en anglais Reflection, c'est mon accent anglais, il est beau, hein. En québécois, c'est malheureusement la traduction littérale québécoise gâche le truc, ça s'appelle Reflet. Donc en fait, ils n'ont pas pu jouer sur l'ambiguïté du mot réflexion. Cette chanson a été reprise, c'est une des deux reprises, a été reprise en manière pop par une chanteuse française qui n'est peu connue pour le générique de fin, qui n'est plus connue. Ensuite, on a la chanson Comme un homme, avec le petit début de batterie, et puis Patrick Fiori qui chante. Je ferai des âmes de vous avant tout. Ouais. Et on parlait du machisme, je pense que le machisme en québécois, c'est encore pire. Ah mais, il y avait une vidéo... Je crois que c'est le tradapteur ou les tradapteurs, je ne sais plus. C'est Link the Sun. C'est Link the Sun, il a fait ça. Et en fait, Link the Sun aussi, il avait fait ça. En français, on dit des fillettes, ce qui est assez violent et pour un enfant et pour une femme, c'est que tu passes d'un homme à une fillette. Donc en fait, on te réduit à l'état d'enfant. Oui. Et en plus, on considère que si t'es une femme, t'es un nul. En québécois, c'est des femmelettes. Ouais, oui. Ce qui est violent aussi, parce que ça veut dire que automatiquement, les femmes sont des trucs qui râlent, futiles, un peu inutiles. Ensuite, on a la chanson Une belle fille à aimer, chanson compliquée aussi, parce que. Très compliquée, mais en fait, qui est. Très compliquée. Totalement remis en cause par Mulan. Parce que les hommes décident de. Les hommes décident de montrer quel serait leur idéal féminin, et en fait on se rend compte que c'est une femme qui fait la popote, et puis une femme qui fait le ménage, et puis une femme qui lave les vêtements, et puis qui fait un câlin. Et Mulan fait la réflexion, sous son déguisement de Ping, d'homme, comme quoi il faudrait qu'elle ait un petit peu de réflexion, certes avoir du charme, mais il faudrait aussi qu'elle puisse réfléchir, et puis qu'elle puisse être indépendante, et puis quelqu'un de posé. Ce qui n'est pas trop apprécié de la part des hommes. Et ce qui est au final un peu réducteur à la fin, vu que ben, les hommes se déguisent en femmes, donc en quelqu'un d'intelligent pour pouvoir avoir les 1. Même si au final ils se déguisent plus en femmes qu'en hommes pour user de leur charme, ce qui fait vraiment penser que la femme est quelqu'un de futile. Juste en parlant de mon ils se transforment, en fait leur transformation se fait sur la chanson Comme un homme. Ou en anglais, I'll make a man out of you. Donc je vais faire sortir l'homme hors de toi. C'est rigolo, se déguise en femme et puis on dit comme un homme. Donc la chanson Comme un homme est la reprise de la chanson d'avant, donc c'est la deuxième reprise du film. Et le film se conclut par True to Your Heart, chanté par Stevie Wonder et puis un autre groupe, un boys band des années 90. Dans le générique de fin, c'est une chanson qui est vraiment pas terrible. Pseudo rock électro des années 90, comme ils aimaient faire chez Disney. Et c'est un peu du niveau Colombia mi Encanto dans Encanto. Je vois, oui. En fait, c'est con, mais ils auraient mis réflexion en mode pop, et puis ils auraient fait Comme un homme, ou une chanson comme ça, Une belle fille à aimer en mode pop, ça aurait beaucoup plus de pertinence. Après, j'ai pas été non plus gratté, c'est la traduction et puis le sens des paroles, True to Your Heart, mais en fait, ça donne pas envie de l'écouter. Comme tu disais, il y a eu 3 chansons coupées aussi, des chansons composées par Stephen Schwartz. Alors je peux vous en dire au moins une qui devait être chantée par Mouchou. Et en fait, le compositeur l'a avoué lui-même. La chanson a été pertinente, mais ils essayaient de la mettre partout dans le film et à chaque fois, elle cassait le rythme. Donc c'était impossible pour eux de mettre la chanson de Mouchou dans le film. Mais au final, c'est pas vraiment... Non, j'ai cherché un petit peu si on retrouvait, tu sais, le I Want Song... La réflexion, à la limite, ça peut être le I Want Song... La chanson de 23h, ah, de réflexion, oui. Elle est où? Elle est nulle part, il n'y a pas de love theme non plus, il n'y a pas d'histoire d'amour durant le film. Non. L'histoire d'amour, elle arrive les 10 dernières minutes. Là, pour le coup, c'est vraiment un film. C'est pas une comédie musicale telle qu'on les a connues dans les années 90. Peut-être ça aussi hein, qui a un petit peu provoqué le déclin des. Pour moi, les déclins et puis les phases basses des studios Disney ont un lien avec les chansons. En général, quand il y a peu de chansons, c'est pas un super film, et quand il n'y a pas de chansons du tout, c'est un film qu'on a oublié. Tar, Méchandre Magique, Dinosaure, Raya. C'est vrai. Au niveau de la musique, comme je disais, hein, c'est un côté instrumental par rapport à l'orchestre, mais aussi asiatique vis-à-vis des instruments qui sont utilisés. Et aussi au niveau des gammes. Alors attention, là ça va être le grand moment musical un peu compliqué du live. Les musiques sont toutes construites autour de la gamme pentatonique. Alors, qu'est-ce que la gamme pentatonique? La gamme pentatonique. Il faut savoir qu'en musique, en fait, on marche sous forme de gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, par exemple. Ça, c'est... Fin du. Donc ça, c'est par exemple, la gamme de do majeur, sachant qu'une gamme est composée de 7 notes, et vraiment, si on veut creuser, une gamme peut être composée de 12 notes, ce qui fait qu'on aura des tonalités en fonction d'une par note. Donc, une tonalité de Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Si bémol, Si bécard. Ça fait déjà 12 tonalités. Et on a les majeures, qui sont joyeuses, et mineures, qui sont tristes. Donc on a 12 x 2, 24, 24 tonalités. Ça, c'est la base qu'on a, nous, en Occident, pour construire une musique, pour ressentir des émotions, pour provoquer une progression narrative, par exemple, ou juste pour composer une musique. Mais alors, pentatonique, ça veut dire 5, non? Oui, penta, comme pentagone, c'est une forme géométrique à 5 côtés. Penta, ça veut dire qu'il y a 5 notes, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les 7 notes de la gamme, on va utiliser que 5. En général, on utilise celles qui permettent de ne pas savoir si on est en majeur ou en mineur. Je m'explique. Sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est le Mi et le Si qui vont permettre de savoir si on est en majeur ou en mineur. Ça fait... Ça, par exemple, c'est la gamme de Do mineur. Ce qui fait qu'on va enlever le Do, le Mi et le Si, pardon, pour Do majeur. On va s'en faire... Regardez le Do, Ré, Fa, Sol, Sol, Fa, Ré, Do, et ça fait par exemple un truc un petit peu, vous savez, asiatique. Et donc il n'y a plus que 5 notes dans la gamme, d'où le pentatonique. Voilà. Et en fait, tout est construit là-dessus dans les chansons. On va utiliser que 5 notes. Si vraiment vous voulez vous la péter quand vous êtes à une soirée et que vous avez un piano, vous utilisez toutes les touches noires. Toutes les touches noires, vous dites, regardez, je fais de la musique chinoise. Et puis les gens, ils sont contents. En fait, tout est construit autour de ça. Tous les leitmotifs, toutes les chansons. Les leitmotifs, ce qui est rigolo, c'est qu'en 15 minutes, on retrouve tous les leitmotifs du film. Le premier motif qu'on retrouve, c'est le thème de la famille. En fait, le thème de la famille, c'est dans la chanson Réflexion. C'est bien, c'est qu'en fait, là, je me suis un petit peu tué tout l'intérêt du film. On connaît en général deux chansons, celle des hommes et puis Réflexion. Donc là, au final, je vais déjà chanter celle de Réflexion. Et en fait, Réflexion, le premier thème, ce thème-là... Ce thème-là, c'est le premier motif, c'est le motif de la famille. Pas si catastrophique par rapport à d'habitude. Puis j'ai pas dit putain, je me suis planté, mais je l'ai pensé dans ma tête fort. Et en fait, réflexion, si on suit un petit peu la logique du film, elle sort de chez la marieuse, elle a déçu son père, elle a déçu sa famille, hein, c'est ce qu'on dit, le fameux déshonneur, le déshonneur chinois. Alors, les déshonneurs chinois, je suis pas assez calé en culture chinoise pour comprendre pourquoi c'est un déshonneur, mais en tout cas, ce serait un déshonneur. Donc elle arrive, elle est là, elle voit son reflet dans son visage, il y a la réflexion de son reflet, de son visage dans l'eau, qui se voit triste, et puis en même temps, malgré la réflexion, est-ce qu'elle est faite pour le mariage, est-ce qu'elle est faite pour vivre être, comme les autres femmes? Oui, et puis est-ce qu'elle est faite aussi pour représenter sa famille? Est-ce que c'est la seule fille de la famille? Est-ce qu'elle est faite pour représenter sa famille? Donc tout le thème de réflexion. Et ce qui fait que dès qu'on aura un moment où Mulan va être avec sa famille, un moment un petit peu instable, par exemple parce que son père aussi, je crois, il a son ordre de mission, lorsque elle revient et que son père est assis sur le banc à attendre, et ben en fait on a la réflexion. On a le thème de réflexion, on a le... Ce thème-là, ce motif-là. Et donc, c'est-à-dire, en 15 minutes, on a tous les leitmotifs. Donc là, on en a un premier. Ouais. C'est là, c'est au moment du logo de Disney. Tu sais, le fameux vieux logo de Disney bleu, oui. Où t'as la clochette qui passe au-dessus. Eh bien, t'entends ça. Ensuite, on a le deuxième thème, qui est le thème de la Chine. On a le thème de la Chine qui est chanté par un chœur. Et en fait, ce thème de la Chine, c'est le thème de la chanson de préparation pour aller voir la marieuse. Sachant que la marieuse, vu que c'est voilà, de la culture chinoise, c'est est-ce que tu fais honneur à ta famille, est-ce que tu fais honneur à la Chine, là, tout ça. Donc c'est logique en fait que ce thème-là, ça soit le thème de la Chine. C'est celui-ci. Dès qu'on parle de la Chine, on a ce thème-là. Et ce qui fait qu'au début du film, lorsqu'il commence à dessiner tranquillement les formes de la Grande Muraille de Chine, c'est ce thème-là qui est utilisé, mais de manière très étirée, avec un chœur et puis avec un orchestre qui est magistral, qui donne un petit peu des frissons. Par rapport à la chanson qui, elle, est beaucoup plus légère et beaucoup plus simple. À savoir, est-ce que c'est Jerry Goldsmith qui a composé la chanson en premier et Matthew Wilder qui a ensuite composé la chanson en fonction du thème ou inversement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je trouve ça bien qu'il y ait une transmission de thème. Actuellement, avec deux compositeurs différents, on aurait un mec qui ferait un thème de la Chine et puis au final, pour parler des valeurs de la Chine dans une chanson, on ferait une autre chanson avec un rap dessus. Et puis quatre accords. T'as quoi contre le rap ? J'ai rien contre le rap. J'aime beaucoup Lin-Manuel Miranda, mais parfois c'est peut-être pas toujours adapté aux chansons Disney. Ensuite, on a le thème de la guerre. Et le thème de la guerre, c'est celui-ci. Et ce thème-là, c'est le thème de la guerre. C'est vraiment le conflit entre les Chinois et les Huns. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Dès le début, on entend tranquillement ce thème. C'est le thème de la transformation. Lorsqu'il y a la transformation de Mulan En guerrier. Alors, je vais en parler vite fait. Cette transformation, elle était déjà animée et composée avant que Jerry Goldsmith n'ait à travailler dessus. Et en fait, les deux réalisateurs voulaient garder. C'était une chanson rock, un peu électro, mais électro de l'époque. Un peu à la manière de Motor Action. Okay, avec oui. les grosses percus, les grosses basses et des trucs comme ça. Les grosses guitares. Et. Les deux réels voulaient absolument garder ce côté rock sur cette scène assez prenante, assez poignante. Et en fait, Goldsmith n'était pas du tout pour ce côté électronique rock. Et lui, il voulait absolument faire une musique orchestrale. Donc en fait, il a composé une séquence orchestrale sur ce thème, avec le thème de la guerre. Les réalisateurs, ils étaient un petit peu gênés, parce qu'ils allaient dans son studio d'enregistrement à lui pour travailler avec lui, pour travailler sur Mulan. Et en fait, ils se sont dit, c'était comme des gamins, ils disaient, merde, je suis chez Jerry Goldsmith, je peux pas aller contre lui, quoi. Enfin, pas un mec qui a 50 ans de carrière derrière. Et en fait, ils ont réussi à le convaincre tout doucement, à garder ce truc rock, et puis à mêler orchestre symphonique et bande-son électronique. Et dedans, en fait, on retrouve cette fameuse gamme Pinta. Ça fait. Ah oui. Avec 5 notes. Mi, sol, la, si, ré. Et le mi qui revient au-dessus. Mi, 6, ré, si, la, sol, mi. Avec des bons gros triolets. Les triolets, la pentatonique c'est la Chine, et puis les triolets c'est la guerre. Dès qu'on va entendre des triolets en général, c'est la guerre. Gustav Holst l'a montré dans Mars, le dieu de la guerre, dans Les planètes de Holst. Oui. Le compositeur Holst, Mars, il utilise les triolets. Mais effectivement, triolets, dès qu'on entend des triolets, il y a la percussion surtout, que ce soit n'importe quelle percussion, on imagine à chaque fois la guerre. Et même les tambours de guerre, quoi. Ouais. Et autre truc con par rapport à la guerre, c'est John Williams, hein, le thème de dans Star Wars. Bref, on n'est pas là sur Star Wars. Non. Parce qu'on n'aurait pas à la faire. On pourrait, hein, This is Music Box, spécial Star Wars et Disney. Le jour où ça arrive, je vais en chier. Oui. De l'autre côté, on a le thème des 1, parce que si y a la guerre, c'est qu'il y a des gens qui se battent les uns contre les autres. D'un côté, il y a les 1. Les 1, c'est fait par l'ensemble de cuivres de l'orchestre, donc trombone, cor, tuba, peut-être pas trompette parce que c'est trop aigu, et dans le grave, et c'est ce thème-là en fait. C'est un thème qui est vachement discret, mais qui revient très souvent. Imaginez-vous, là c'est au piano avec un truc qui a 15 ans, imaginez-vous ça avec un gros orchestre de cuivre qui joue. C'est assez pesant et ça fait assez peur. C'est en plus en mineur, là par contre on n'a pas les 5 notes, on n'a pas les fameuses 5 notes. D'un côté on a le thème des 1, donc de l'autre côté on aura le thème de l'armée de Chine. Et l'armée de Chine c'est... Et pareil, par contre, ce thème-là, c'est beaucoup de cuivre, mais aussi beaucoup de cordes aussi, pour montrer la splendeur de la Chine, la splendeur du bien, surtout. Je pense pas que les réalisateurs voulaient montrer la splendeur de la Chine, mais surtout la splendeur du bien sur le mal. Mmh. Ça se sent à quel moment, du coup, le thème de l'armée ? En général, le thème de l'armée de Chine, on le retrouve lorsqu'on voit l'empereur, et lorsqu'on voit le général, et le général qui est le fils de Shan Yu. Oui. Ensuite, on a la chanson « I'll make a man out of you », qui est la chanson comme un homme. Je vais vous la faire vite fait, juste pour le plaisir au début, mais en fait ce thème là on retrouve la chanson une deuxième fois à la fin sur le comme un homme lorsqu'il se déguise en femme, mais on retrouve à aucun moment ce thème en fait, juste avec les deux chansons au final. Oui, c'est tout, ça fait. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa C'est fameux. Et il y a A Girl Worth Fighting For. Oui, c'est une belle fille à aimer. Une belle fille à aimer. Et je voudrais. Donc elle sait faire la cuisine. Etc. Ta la ti ti ta ta la ta ta ta la ta pa la pam pam pa la pam pam pa la pam pam pam pam pam. Je vais pas m'amuser à la faire parce qu'elle est pas hyper intéressante. Mais même à écouter, elle est pas très intéressante en vrai. Non, je trouve, ouais. En fait, tu sens vraiment. Enfin, si elle remplit très bien son rôle de chanson humoristique et transition. Oui. C'est à ce moment-là qu'ils sont en train d'aller vers le village. Le village, c'est vrai. Retrouver en fait le père, et c'est là que ça coupe direct. Et puis, ben, le père de Shan Yu est mort. Et d'ailleurs, cette musique ne finit pas au final. Non. Non, elle reste vraiment en suspens. Et il reste un thème. Il y a un thème que j'ai pas écrit dans le conducteur. Et en fait, c'est le thème le plus important. Le thème de Mulan. Enfin, oui, c'est le thème de Mulan. Et ça, du coup, ce thème-là, on l'entend quand ? On l'entend, dès qu'on parle de Mulan, mais Mulan avant la guerre, ou alors Mulan par rapport à Mulan civile, quand on parle vraiment de Mulan et de ses émotions. Mulan qui n'est pas guerrière. Ok, super. Et en fait, c'est vraiment les plus gros thèmes, hein, celui de la guerre, celui de la Chine, celui de Mulan, si vous voulez les retrouver, écoutez la suite de Mulan. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont sorti l'album au moment du film, ils ont mis les chansons, il y a la chanson de la transformation qui est en plus dans l'album, qui est une piste au milieu des chansons pour montrer à quel point c'est important. Et puis après, ils ont mis les musiques. Et après, ils ont mis les musiques instrumentales. Et par contre, entre les deux, ils ont l'habitude de faire des suites. En gros, ils reprennent tous les thèmes. Et l'orchestration de Jerry Goldsmith pour cette suite de Mulan est incroyable. Je l'ai écoutée, elle est vraiment magnifique. C'est la même qu'on retrouve dans Toon Studio. Oui. Enfin, Toon Studio, World of Pixar. Oui, World of Pixar maintenant, oui. Si vous voulez vraiment apprécier cette bande musicale, je vous conseille d'aller dans les toilettes qui sont derrière Art of Animation. Il n'y a jamais personne dedans. Je viens de t'imaginer, j'imagine que c'est ce que tu as fait pour ton mémoire. J'étais dans la zone fumeur. Zone fumeur, ça passe. Parce que j'imagine le mec dans les toilettes. Non, c'est occupé. Non, je suis resté durant mon mémoire assis derrière Vidéopolis pour choper les musiques de Discoveryland. En même temps, il n'y a pas grand monde là-bas, ça passe. Oui. Et voilà ce que je pouvais dire moi par rapport à ces thèmes et par rapport à ces chansons. Eh bien, nous allons partir ailleurs. Qu'est devenu Mulan après ? Eh bien, il y a eu tout d'abord en film Mulan 2 en 2004, où Mulan et Li Shang doivent escorter les trois filles de l'empereur qui doivent rencontrer leur futur mari. Et donc, bien sûr, ça parle de mariage arrangé. Je n'ai pas vu, moi, pour le coup, Mulan 2. Non plus, je ne l'ai pas vu. En général, les deux, je n'ai vu que peut-être que deux. J'ai vu que La Belle et le Clochard et puis Le Roi Lion 2. Mais tu vois, parfois, les blagues dans Mulan, dans le premier Mulan sont un peu problématiques. Je trouve que là, c'est le sujet qui est problématique. J'ai pas vu la fin. Si des personnes dans le chat ont vu la fin de Mulan 2... Il est trop 2, bien, dit Zelfira. Zelfira, elle aime bien aussi Le Roi Lion 2. Donc, est-ce qu'elle vraiment... Tu vois, et Radical CH Mulan 2 catastrophique. Okay. Ouais, un peu comme tous les deux, quoi. Et sauf Frozen 2. Frozen 2 est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais tu vois, je trouve que là, le sujet mariage arrangé, je trouve c'est un peu compliqué. J'ai pas vu la fin de Mulan 2. Si quelqu'un peut me dire comment est la fin de Mulan 2, mais j'ai l'impression que tu vois, genre, ils vont escorter les trois filles de l'empereur pour un mariage arrangé. Au final, elles vont se dire non, j'ai pas envie de marier avec eux. Pour et des mariages arrangés. Pour des mariages arrangés en plus, et elles vont dire on n'a pas envie de se marier avec eux, et puis devant eux, elles vont dire oh, ils sont beaux, on va se marier avec eux. Chacune des princesses finissent avec les trois... Et voilà. Ouais, les trois gus. Voilà, c'était sûr. Mais du coup, ils ont une fille à aimer. Voilà, c'est bon, c'est fait, ils sont contents. Beaucoup plus tard, 16 ans après, on a eu Mulan en 2020, le live action avec les musiques et seulement les versions instrumentales remaniées des chansons qu'on pouvait entendre dans Mulan. Exit Mushu aussi, moi j'avoue que je ne l'ai toujours pas vu. C'est à chier. C'est à chier, voilà. Je l'ai regardé au Nouvel An. Je l'ai regardé à un Nouvel An. Le Nouvel An, parce qu'on était confinés, on l'a regardé, on s'est endormi dedans au bout d'une heure. Devant, au bout d'une heure. Et dis-toi qu'au Nouvel An, on l'a regardé, enfin, le 31 décembre, on l'a regardé vers 8h30, c'est-à-dire qu'à 9h30, notre Nouvel An était fini. Ah ouais, triste. C'était vraiment pas terrible. Il y a le problème, en fait, de... ils veulent garder l'histoire que nous, on connaît du dessin animé, en essayant de remanier l'histoire originelle, donc la légende, mais c'est pas subtil du tout. Et puis, en plus de ça, ils vont mettre des scénarios, des mises en scène d'arts martiaux, parce que tu comprends, c'est l'Asie, donc il faut absolument qu'il y ait des arts martiaux. Donc en fait, c'est nul, c'est nul. Ouais. C'est nul. Et donc, dans les parcs, nous avons aussi beaucoup, beaucoup de Mulan, et surtout, je ne vous le cache pas, à Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland. Hong Kong, je suis surpris. Shanghai, non, parce que Shanghai, c'est un peu comme Disney à Paris. C'est, on impose la culture chinoise dans un parc Disney, comme en Europe, on a imposé la culture européenne dans un parc Disney. Hong Kong, qui est très copié-collé des États-Unis, je suis assez surpris. Eh ben oui, et tu vas voir pourquoi. Déjà, nous avons... Déjà, elle fait partie des princesses représentées dans le château de Hong Kong Disneyland. Oui. On a, au niveau des attractions, donc The Magic of Disney Animation de 89 à 2015 à Walt Disney World, Art of Animation, pardon, de 2002 à 2019 au Walt Disney Studio à Paris, où la séquence où un dessinateur explique comment dessiner, enfin comment Mushu a pris vie, si je puis me dire. Ouais. Si je puis me dire, ça rien dire, mais c'est pas grave. C'est assez cool, je trouvais. C'est moi, dommage qu'ils aient gardé Mushu pendant très longtemps, alors qu'ils pouvaient, je pense, faire un peu évoluer par rapport au personnage, mais c'était vachement... c'était sympa. Il faisait froid dehors, c'était sympa à regarder. Oui, honnêtement, moi j'aimais beaucoup cette attraction, en vrai. Oh putain. Ah si, c'était sympa, c'était mignon. Non, sachant que je n'ai jamais réussi à faire Frozen qu'à remplacer. Jamais réussi à le faire. Après, nous avons Small World, It's a Small World, où il y a Mushu qui est présent à Disneyland Anaheim depuis 2009, Mushu et Kriki à Tokyo Disneyland depuis 2018, et Mushu sur un cerf-volant à Hong Kong Disneyland depuis 2008. Et parce que vous savez, depuis, au fur et à mesure, ils ont rajouté des personnages, mais pas à Disneyland Paris. Non, et peut-être ? Oui, peut-être que... Et... Ensuite, nous avons Voyage to the Crystal Grotto à Shanghai Disneyland depuis 2016, où il y a une scène avec Mulan et la chanson Réflexion. Voyage to the Crystal Grotto, en fait, c'est un mélange entre les dark rides qu'on a entre Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, donc les trucs vraiment en dur, et le pays des contes de fées. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une balade en bateau et on passe devant des dioramas plus grands que le pays des contes de fées de chacun des dessins animés Disney avec des princesses. Et honnêtement, elle est très bien faite, Mulan. Hein. Et l'attraction est même très bien faite. On passe en dessous le château, l'attraction embarque devant le château. Ils ont su monopoliser l'espace, en fait casser un peu les codes par rapport au parc Disney, et l'attraction est très bien faite. Au niveau des spectacles, nous avons Mulan, la légende, qui se trouvait d'avril 1999 à 2002 à Videopolis Theater à Disneyland Paris, avec les morceaux « Honneur à tous »,« Comme un homme » et « Une fille à une... » J'en fais une petite description. Vas-y. Ce spectacle, alors je l'ai vu, ce spectacle, j'avais 4 ans. J'en ai des souvenirs, il m'avait beaucoup impressionné. Faut savoir qu'en fait, la scène était recouverte d'un mur en mousse, un mur, et qu'il y avait des mecs déguisés en un qui pétaient le mur et qui faisaient les... En fait, c'était un spectacle d'acrobates. Très inspiré du Cirque du Soleil. Donc en fait, c'est très inspiré du Cirque du Soleil. Donc en fait, ça en imposait dès le début du truc. Il n'y avait aucune parole. Tout était instrumental. C'est Vasily Serli qui a fait l'arrangement et j'en avais parlé avec lui. Moi, je n'ai jamais vu ce show. J'avais vu, je crois, et encore, c'est un des souvenirs, je crois avoir vu Le Roi Lion, mais Mulan, j'en ai aucun souvenir. Le Roi Lion, je n'ai jamais vu parce qu'à chaque fois, on arrivait trop tard. Vous comprenez pas à l'époque qu'il fallait arriver à une heure précise. En fait, il me racontait que ce qui était très difficile pour lui à mettre en scène, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu composes une musique d'un spectacle ou un truc comme ça, c'est que la chanson, elle est ancrée. elle est ancrée dans l'inconscient du spectateur. Une musique sera très rarement utilisée de manière générale, majoritaire, si elle n'est pas ancrée dans le spectateur. Si elle n'est pas ancrée, ils vont utiliser. En fait, ça sera beaucoup plus anecdotique. Donc en fait, il a utilisé les chansons qui ont réussi à être ancrées en l'espace de un an dans le truc. Et ce qui était très difficile, en fait, était de pouvoir aussi faire des orchestrations, c'est des musiques instrumentales, c'était un spectacle qui est très difficile à écouter, hein, c'est un spectacle très mature, pour les enfants c'était très compliqué, et de pouvoir exprimer toutes les émotions qu'il y avait dans le dessin animé musicalement, et avec aussi des gros plans, sur scène, avec des mecs qui sont acrobates, et surtout un personnage qui est au milieu de la scène, et loin de tout le monde. Il me racontait par exemple, c'était très difficile pour lui, dans la scène de la transformation, de pouvoir remettre la même intention musicale et émotionnelle du personnage de Mulan qu'on voyait en gros plan avec l'épée, quand elle se coupait les cheveux, quand on voyait ses yeux, alors que là, le personnage de Mulan, il était en plein milieu de la scène et on voyait pas son visage, on connaissait pas les émotions de son visage, on connaissait pas non plus l'épée, tout ça. C'était un défi extraordinaire. Et le fait de n'avoir aucune parole dans tout le spectacle, aucune parole de chanson non plus, aucun texte, c'était encore un défi supplémentaire. Il fallait clairement accrocher le spectateur sur un truc auquel il n'était pas prêt de voir. C'est peut-être pour ça que ça a duré que 3 ans, qu'au final c'était trop difficile pour eux. À 3 ans, mais en vrai, 3 ans, c'est un spectacle qui dure beaucoup, pas mal. Hein. C'est beaucoup, hein. Sachant que 2 ans après, le Roi Lion, il est resté 5-6 ans. Et Tarzan aussi, par exemple, était resté, lui, 13 ans. Mais c'est des spectacles comme ça, moi, qui me manquent à Disneyland Paris. C'est des spectacles majeurs où on ose aller plus loin que... le Mickey qui fait « Oh, et puis je suis Mickey, oh, et puis un copain, viens, on va chanter une chanson, et puis oh, je suis un copain, on va chanter une chanson, oh, et puis un copain, on va chanter une chanson, hey, fancy free, puis machin, oh, et puis dis donc, c'est le lion qui fait le lion. » Mais je suis absolument d'accord, là, on osait au moins, même avec Pocahontas, on en avait parlé pendant le live Pocahontas, et donc le podcast Pocahontas, toujours disponible, là, au moins, ils osaient aussi. C'est pas extraordinaire, il y a des choses à redire, mais au moins ils osaient. Ouais, ça me manque. Mais pour ça aussi, il faudrait qu'ils reprennent peut-être des compositeurs qui sont... Je ne vais pas juger les compositeurs qui sont américains, mais il faudrait peut-être qu'ils pensent à reprendre des compositeurs européens qui ont une culture européenne faite pour les Européens. Après, il faut peut-être aussi que... Pour des shows européens, pas des trucs qui sont déjà faits, quoi. Peut-être aussi des spectateurs européens ou étrangers, enfin bref, des visiteurs à Disneyland Paris qui soient aptes à ouvrir leur cerveau et puis à accepter quelque chose d'autre que Mickey qui fait « Oh, je suis Mickey et puis je vais voir la Reine des Neiges ». Je suis désolé, je suis un peu violent, mais... Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, en parlant de Mickey, donc Mulan est aussi sur d'autres spectacles ailleurs. Sur The Golden Mickeys. À Hong Kong Disneyland et Disney Cruise Line entre 2003 et 2015. Mickey and the Wondrous Book depuis 2015 à Hong Kong Disneyland et depuis 2021 à Shanghai Disneyland. Ensuite, nous avons Mickey and the Magical Map de 2013 à 2020 à Disneyland Anaheim. Et enfin, nous avons aussi le Disney's Wishes sur la Cruise Line depuis 2012 et Cinderella's Surprise Celebration entre 2001 et 2005 à Magic Kingdom. Donc au final... que des shows où des personnages invitent d'autres personnages à chanter. Donc au final, on est vraiment les seuls à avoir eu Mulan, un vrai spectacle ouais. Mulan. C'est surprenant, ouais. Parce que Animal Kingdom, par exemple, aurait pu l'avoir. Oui, totalement. Au niveau des parades, il y a eu une parade sur Mulan, qu'on appelle Mulan Parade, Parade, en 1988 à Disneyland Paris. C'était un peu les moments où est-ce qu'on mettait des parades, des pré-parades de parades pour célébrer les films qui étaient faits. Il y avait eu Le Roi Lion, il y avait eu Hercule, il y avait eu Pocahontas aussi. Bossu Notre-Dame, c'était plus largement une parade entière sur le Bossu Notre-Dame, et donc Mulan en 1998. Il y a eu aussi cette même parade à Disneyland en Californie en 1998 et 1999, et puis à Hollywood Studio en Floride en 1998 jusqu'en 2001. Il y a la Disney Adventure Friends Cavalcade pour les 50 ans de Magic Kingdom en 2022, donc en ce moment. Elle est présente sur le char de It's a Small World depuis 2022 dans la Main Street Electrical Parade à Disneyland en Californie. Ils ont fait un super char ultra long sur le thème d'It's a Small World, et chaque poupée en fait représente un dessin animé. Il y a aussi Encanto, il y a Coco, je crois qu'il y a Frozen, et donc il y a aussi Mulan. Mushu et Mulan étaient présents sur la Disney Stars and Cars et la Stars and Motor Cars Parade. La Stars and, Motor Cars Parade, c'était une parade avec les voitures. C'est juste des voitures sur le thème des dessins animés à Hollywood Studios de 2001-2008. Et puis quand leur était en 2008, et ben ils se sont dit tiens, on va la foutre en France avec moins de voitures. Mais ils ont gardé quand même Mulan. Donc de 2009 à 2014. Ensuite, Mulan, l'univers de Mulan, je sais pas si c'était Mushu ou Mulan précisément, était présente sur la Mickey's Storybook Express qui est à Shanghai Disneyland depuis 2016. La Mickey Storybook Express, c'est le petit train des personnages en France, mais à Shanghai. Et elle est présente aussi sur la Disney Color Fest Shoot Party à Shanghai Disneyland depuis 2019, entre 2019 et 2022, durant la saison du printemps. Pour la Mickey's Storybook Express, il y a Famulan, donc en version Ping, qu'on retrouve souvent, nous, en meet and greet, dans les événements un petit peu... Enfin, souvent. Ouais. Dans les événements un peu spéciaux à Disneyland Paris, on retrouve souvent Mulan en version Ping Adventureland. Et pour la saison des pour la semaine des princesses qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'était en version princesse. En version mariée. Ouais. Et donc là, le Mickey Storybook Express, Mulan est sur une grosse version de Cannes avec des batteurs. Enfin, pas des batteurs, mais des, comment on appelle ça, des percussionnistes. Le Plaza Inn à Hong Kong Disneyland, ouvert donc en 2005, il y a une fresque avec Mulan et Mushu. Et cette fresque-là, de base, c'était un artwork qui avait été créé pendant le développement du film. Et enfin, Mulan est présente beaucoup dans les feux d'artifice des parcs. Il y a la Disney in the Stars qui a été jouée de 2005 à 2018, donc je pense avant les travaux du château de Hong Kong Disneyland. Ensuite, elle a été présente dans Happily Ever After, qui était l'équivalent du Disney Dreams en Californie, mais c'était exceptionnel, j'ai vu des vidéos, c'était exceptionnel, de 2017 à 2021. C'est présent à World of Color, depuis 2010, je crois que Love Color s'est arrêté, ou il a peut-être été repris il n'y a pas longtemps, à California Adventure. Je crois qu'il s'est arrêté, puis qu'il a repris, il y a eu plein de versions en fait. Ouais, à California Adventure, qui est le parc, le second parc, le parc le plus récent de Disneyland en Californie. Ensuite, ça a été joué dans Ignite the Dream, A Nighttime Spectacular of Magic and Light, qui est en fait l'équivalent du Disney Illumination de Hong Kong Disneyland de 2016-2021. Ils l'ont arrêté Disney Illumination du coup, hein. C'est ça que ça veut dire. On peut avoir de l'espoir. Ouais, ouais, bah là déjà on le perd à Noël. Oui, mais on le récupère après. Chut, Alex. Après il y aura le lac Illumination, ça va disparaître, ça va être oublié. Et puis enfin, c'est joué dans Momentous, qui est le nouveau show nocturne avec feux d'artifice et projections et fontaines, qui se déroule sur le nouveau château de Hong Kong Disneyland. Depuis cette année. Et voilà, nous avons fait le tour de Mulan, si je puis me permettre. Mais dis donc, Alex, au final pour Mulan, est-ce que tu ouvres la boîte à musique ou pas ? Oh, c'est beau ce que tu dis là. Eh ben oui. Alors moi, j'ouvre la boîte à musique, mais pas la boîte à chansons. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, la boîte à chansons, ça va dépendre. Ce qui d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 5, comme on l'a dit, dont une qui est totalement oubliée avec le générique de fin. Je pense qu'il y en a 2 qui sont à garder et 2 qui sont achetées. Je suis d'accord. Je garderai, moi, réflexion et comme un homme. Je suis d'accord avec toi. Ah bah, c'est magnifique. Pour une fois, on est d'accord. Et ce qui est dommage, c'est que pour comme un homme, c'est que le leitmotiv n'est pas utilisé. Ça aurait pu être un peu comme l'armée de Chine, mais l'armée de Chine pour la petite armée, là, la fameuse armée de bras cassés. Alors que la première chanson, c'est « Honor to us all », celle-ci, elle a un leitmotiv dans le film, et pourtant, c'est pas une chanson qui est mémorable, qui a gardé. C'est dommage. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, je pense que la boîte à musique est à ouvrir à moitié. La boîte à musique est à ouvrir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Disney's Music Box. On espère vous avoir fait voyager en Chine durant cette heure et demie à peu près, peut-être moins. Merci Max d'avoir décortiqué les musiques. Et puis merci Alex pour avoir préparé ce live et faire les mises en place au niveau du layout et puis toute la présentation historique. Et même le montage, parce qu'a priori, c'est moi qui vais monter ce podcast. Le 11 octobre, c'est le podcast sur Descendants. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Utip. Et il y a aussi un wiki. Allez, à très vite. Salut, salut. Salut. Non, jamais je ne serai faite pour vais voir.